Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu de problème avec le test, écoutez maintenant la conversation entre André et Hélène. Je travaille cette semaine avec une société italienne. Ah oui, vous aimez bien la cuisine italienne, n'est-ce pas ? J'adore la cuisine italienne. André is working this week with an Italian company, which makes him very happy because he loves Italian food.